Quel système de ventilation utilisait? Entendez-vous bien quand on parle à l'autre bout? Pas trop de vent en arrière là-bas. Vous lisez sur mes lèvres. Comment appellerait-on les transitifs ou les MTS au temps de Jésus-Christ? Il y a un terme qui m'a été suggéré cette semaine, c'est les SIDA. Les sinistres individus dominés par l'astral. Les transitifs ou les MTS, évidemment, ce n'était pas des martyrs de la transition supramentale. MTS, c'est ce que ça veut dire, martyrs de la transition supramentale. L'énergie supramentale est l'énergie christique alchimique, donc c'est le phénomène christique, c'est l'intelligence instantanée, ce qu'on appelait aussi l'Esprit Saint à l'époque. Et ces personnes-là qui transitaient étaient des humains. Le transitif d'aujourd'hui va vers l'état d'être humain. Puis placer un nom, ce n'est pas toujours nécessaire. Les MTS, il y en a eu évidemment à l'époque, des martyrs, disons, de la transition mentale, c'est plutôt des MTM, qui intellectuellement était un peu trop puissant, et lorsqu'il disait les choses au peuple, il se faisait massacrer, on les crucifiait. Ça, on aimait ça crucifier. La tête en bas, un peu sur côté, écartelé, on les lapidait. Enfin, il y avait toute une procédure donnée par Dieu dans les livres sacrés qui expliquait comment tuer les gens. La lapidation, ça, c'est quand même c'est Dieu qui commande de lapider jusqu'à mort, le sang sera sur eux. Et puis, il y avait donc un paquet de phénomènes, comme ça, on a eu, Dieu nous a instruits. C'est ceux qui ne lisent plus la Bible sont intelligents. Non. J'ai dit que celui qui est intelligent ne lisait plus la Bible. C'est pas pareil. Il y a une grande nuance. Celui qui ne sait pas lire et qui ne lit pas la Bible n'est pas nécessairement intelligent. Je recommence ma question. C'est ceux qui ne lisent plus la Bible sont intelligents, entre guillemets, oui, comme les Québécois. Est-ce à dire que ceux qui la lisent sont idiots? Jésus avait-il des préférés? Et ce n'est pas l'amour universel. Bon, premièrement, il est bien évident que j'ai bien dit que ceux qui ne lisaient pas la Bible n'étaient pas nécessairement intelligents. Ceux qui lisent la Bible, est-ce qu'ils sont idiots? Il y a beaucoup de ceux qui lisent la Bible qui sont idiots, effectivement. Mais l'idiotie n'est pas tributaire de la Bible. Il y a énormément d'individus qui lisent la Bible qui sont faramineusement intellectuants. Il y en a qui sont même géniales. Il y en a qui sont humains. Et il y en a quelques-uns qui sont même potentiellement prêts à devenir intelligents. Mais il faut qu'on comprenne ce que moi, j'entends par intelligence. Ce que j'entends par intelligence n'est pas à la mesure de ce que la population de la planète entend par intelligence. Un être humain intelligent n'est pas quelqu'un qui est de mon avis. C'est quand même la définition d'intelligence qu'on donne souvent. Hein? Quand deux êtres humains s'engueulent, ben le plus intelligent, il concède, ou le plus tapette. Mais c'est l'autre qui va dire ça. Quand un premier ministre est élu, il dit « Hey, les gens sont intelligents, ils ont voté pour moi ». On a bien des concepts de l'intelligence. L'intelligence aussi, c'est un enfant intelligent réussit bien à l'école. C'est faux. Un enfant intelligent coule à l'école. Il n'y a pas d'intelligence qui va accepter de niaiser à l'école. On ne peut pas réussir. Mais là, on va dire, est-ce que les enfants qui réussissent sont idiots? Non. Ils sont manipulés. Ils sont à potentiel intelligent. Ils peuvent devenir intelligents. Pas à l'école qu'ils vont le devenir. Ils se trouvent. À l'école, on devient savant. Pas intelligent. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, ça se développe chez l'individu qui est libre. Libre de s'exprimer. Libre d'agir. L'intelligence ne se développe pas chez l'individu à qui on dit « ça, ça se fait pas. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Réplique pas quand on te parle. » On forme pas des intelligences, on forme des chiens savants. On forme des enfants qui, quand on leur donne une pomme, sautent, puis quand on leur en donne pas, sautent pas. On forme des adultes qui, finalement, peuvent lire la Bible parce que leurs parents la lisaient, parce que les prêtres leur ont dit de la lire, parce qu'on leur a dit que la sécurité ou que le salut était dans la Bible. S'ils seraient venus au monde sous un effigie bouddhiste, ben, ils liraient pas la Bible, parce que le salut serait pas dans la Bible. Puis ils seraient aussi fervents de d'autres choses. L'être humain de notre planète et surtout du contexte nord planétaire, est intellectuant. C'est-à-dire qu'il a développé une intelligence mentale, une intelligence intellectuelle qui lui permet de rendre logique les associations mémorielles. Il devient donc efficace et lentement, il devient logique, conséquentiel. Pas encore. Il y en a qui se battent encore pour une petite poque sur leur automobile. Parlez-moi pas d'intelligence. Il y en a qui s'astinent, on appelle ça des combats d'intelligence, comme si l'intelligence se battait entre elles. des combats d'intellectuance ou même en réalité des guerres d'ego. Celui qui est intelligent est centré dans son intelligence. Il a donc une conscience individuelle. Il n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Il n'a pas besoin de loi pour le paramétrer. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire. Il fait ce qui se doit d'être fait. Un être humain intelligent ne se chicane pas, ne vole pas, ne casse pas la gueule à quelqu'un. Un être humain intelligent, normalement, arrive à faire l'école d'asphalte suffisamment longtemps, quand il est jeune. À notre époque, nous, c'était l'école buissonnière, il y avait des buissons. L'être humain intelligent fait ce genre de choses sans jamais se faire pincer. Un être humain intelligent qui est en croissance peut voler. On ne l'attrapera pas. L'intellectuance, c'est ce qui gère notre planète. Nous sommes intellectuants. Ce n'est pas un défaut. Mais nous ne disons pas que nous sommes intelligents. Nous devons apprendre pour connaître. Ce n'est pas intelligent. On a des problèmes avec notre enfant, il faut qu'on aille voir un psychologue. Lui, il n'y en a pas d'enfant, mais il va nous dire quoi faire. J'en ai connu un psychologue, il y en avait des enfants. Il ne s'attendait pas que ses enfants. Il a les mêmes problèmes que ses clients. C'est correct, c'est correct. L'éducateur, c'est la même chose. Le professeur, c'est la même affaire. C'est normal. C'est naturel dans notre société. L'intelligence, ça rend libre. L'intellectuance demande l'apprentissage. On est l'esclave de devoir apprendre, aller à l'école, s'asseoir, attendre. Lorsqu'un enfant intelligent dit à un professeur, « Oui, mais ça ne sert à rien, ce que tu nous montres là. » À un moment donné, Philippe de Macédoine est descendu et a conquis. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Dis-nous donc si le film qui passe présentement est bon à la place. Et là, on va dire, cet enfant-là, il est mal élevé, puis il n'est pas brillant, brillant. Peut-être qu'il n'est pas brillant, peut-être qu'il ne réfléchit pas, il n'a pas assez été poli à force de taper dessus, qu'il n'est pas brillant. C'est possible. Mais il est intelligent. Parce que c'est vrai que ça ne nous sert à rien, ça prend ça. Alors, dans nos écoles, on nous montre quoi? On nous montre à supporter la société. On ne nous montre pas à devenir ce que nous sommes. On nous montre à être ce que la collectivité attend de nous. Quand je dis que l'être humain intelligent ne lit pas la Bible, l'être humain intelligent ne lit rien. Il va lire certaines informations au niveau des données. Il faut faire attention, l'intelligence est une chose de croissance. Il y a des êtres humains qui ont des débuts d'intelligence chez eux. Ils peuvent lire la Bible, mais ils vont la comprendre d'une façon à traumatiser ceux qui la lisent. Un autre est intelligent, va lire son livre de mécanique. L'intelligence avance par morceaux. Et à un moment donné, pouf, il voit qu'on le manipulait, mettons, comme ça. Et un jour, paf, il se rend compte que chaque fois qu'il pleuvait dehors, il chialait. Là, il découvre que la pluie était son maître. C'est de l'intelligence, pas de l'intellectuance. Allez apprendre ça à l'école, ça ne changera pas vos vies. Quand il pleut, chialez pas, parce que si vous chiolez, c'est la pluie qui est votre maître, elle décide votre état psychologique. Maintenant qu'on l'a appris, quand il pleut, on ne chiole pas. On tape dans les murs. C'est le mauvais temps. Parce qu'il y a un bon temps et un mauvais temps. C'est nous autres qui déterminons. Alors, quand je parle d'intelligence, je parle d'un être humain libre. Alors, celui qui lit la Bible est intellectuant. Il peut avoir des prémices d'intelligence. Et beaucoup en ont. Il y a même des prêtres qui sont royalement intelligents. Et on a tendance à les bannir aussi. L'intelligence ne peut pas être supportée par le passé, par la tradition. Celui qui ne lit pas la Bible n'est pas nécessairement intelligent. Celui qui est intelligent, nécessairement, ne lit pas la Bible pour qu'elle réponde à ses questions. Celui qui lit la Bible pour qu'elle réponde à ses questions va devenir intelligent. Un jour, il sera capable de savoir sans apprendre. Il parlera, il écrira, il fera. En attendant, il a besoin de son échafaud. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas des défauts, c'est logique, c'est évident. Jésus avait-il des préférés? Non. Et on parle de son disciple préféré. L'humain est bâti comme ça. Quand on a un corps physique à côté de soi qui est extrêmement bien bâti pour communiquer l'intelligence, on travaille avec. Et la gang d'animaux, ils disent, « Ah, gars, il y a un chouchou. » C'est ceux qui ont écrit qui parlent du disciple préféré. Qui pensent que c'était le préféré. T'es pas le préféré, t'es le plus utile. T'es fonctionnel, t'es pas préféré. Ton histoire de femme avec chapeau à l'église ressemble au fait que tu utilises le mot « homme nouveau » au lieu de « être nouveau ». Par le fait même, la parole, les hommes ou leurs égaux risquent de bien mieux s'identifier à ce tournant de nouveauté. Qu'est-ce qui motive le fait que tu n'utilises pas le mot « être nouveau »? Premièrement, en utilisant le mot « être nouveau », on nuit. Deuxièmement, en utilisant le terme « homme nouveau », on aide. Bien souvent, je parle de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, et je rajoute de l'enfant nouveau. Parce que les femmes, ils veulent qu'on parle d'elles. On oublie l'enfant. Beaucoup, pas tous. Être nouveau, c'est compliqué dans le langage. Ça sonne faux. Il faut faire un effort d'articulation pour arriver à dire être nouveau, sans être nouveau. Dans le langage français, le mot homme désigne l'humanité. À cause de considérations émotives de la part des femmes ou des hommes, tout changer la structure de la langue française nuit. Pourquoi? Parce que cela va égoïser encore plus. La femme qui a besoin qu'on ne dise pas homme pour se sentir bien a encore un peu trop d'ego. Si, à travers le fait qu'on parle de l'homme, elle voit l'idée cosmique, puis elle sait que le langage provient de l'Antiquité où la femme était rien, mais elle n'en souffre pas, elle s'en balance, elle comprend ce qui est communiqué. Le fait de dire être est faux. Quand on parle d'homme et quand on parle de femme et quand on parle d'enfant, moi, je parle de l'animal. Quand je parle de l'être, je parle de l'intelligence. L'être nouveau, non. L'homme nouveau, oui. La femme nouvelle, oui. L'enfant nouveau, oui. L'être tout court, oui. Et j'ai déjà fait une conférence sur la psychologie de la femme nouvelle. Pendant 2 heures, j'ai expliqué l'utile et l'importance de la femme. Son égalité du point de vue de sa fonctionnalité au niveau de l'évolution cosmique par rapport à l'homme. La période de questions. Pourquoi dites-vous que la femme est inférieure à l'homme? Un mois après, je refais la psychologie de la femme numéro 2. Je n'ai jamais refait de conférence spécialisée sur les femmes parce qu'on me demande tout le temps pourquoi que je dis qu'elles sont inférieures. Dans la conférence numéro 2, j'ai passé mon temps à dire qu'elles étaient même supérieures. J'ai parlé que des points supérieurs. Et on revenait. Alors, si j'ai bien compris, la femme doit absolument passer par l'homme pour avoir un contact supramental. Je me dis ça. C'est faux en plus. Alors, on m'avait suggéré de refaire psychologie de la femme nouvelle 3. Non. Non, parce que c'est pas toutes les femmes. Et quand un homme parle de la femme immédiatement est convaincue que l'homme l'a démolie. Alors, je me suis donc stabilisé du point de vue de homme nouveau. J'ai déjà employé des conférences que j'ai faites en parlant de l'être nouveau et ça mélangeait encore les cartes. Alors, en égoïsant un peu, physiquement, je suis un mâle. Physiquement, certaines sont des femelles. Socialement, ça l'aide ou ça nuit. Occultement, la femme a toujours manipulé l'homme. Socialement, l'homme a souvent et même toujours manipulé la femme. Ça change un peu, des deux côtés. Mais l'évolution est au-delà de ces maudits mots. Un être, c'est quelqu'un qui n'est pas assujetti aux trames animales. Il ne court pas les fesses des autres. Il ne regarde pas les seins des femmes ou encore ce qu'il y a dans les culottes des gars. Un être ne s'astine pas, ne s'engueule pas, n'a pas peur de demain, ne se sent pas abandonné. Un être ne pardonne pas parce qu'il n'a jamais rien à pardonner. Alors, qu'est-ce qui présentement évolue? C'est l'homme. Et homme, du point de vue français, désigne le mâle, la femelle. Et moi, j'ai inclus l'enfant. C'est plus simple au niveau du vocabulaire. Quand je parle de l'homme nouveau, je parle toujours des 3 sexes. Qui a dit que Lazare était le préféré du Nazaréen? On revient à la chose tantôt. Tu as déjà dit que l'amour et l'intelligence n'est pas sélective, que si tu aimes un plus que l'autre, ce n'est pas le vrai amour. Ça va, toi? On parlait du préféré, avec le langage de la Bible. C'est évident que le Nazaréen, on en a répondu tout à l'heure, il n'aimait pas d'une façon psychologique. Est-ce qu'un être intelligent va toujours préférer un être aussi intelligent? Dans l'évolution transitive, un être intelligent va raisonner énormément un autre être intelligent. Il aura énormément de difficultés à s'adapter aux êtres qui seront un peu moins intelligents, en ce sens qu'ils seront plus émotifs. Lorsque l'être arrive à avoir une intelligence reliée à un plan bouddhique, à un plan de connexion, ce qu'on peut appeler l'amour intelligent, une intelligence qui a du cœur, lorsque l'humain arrive à avoir une intelligence qui a du cœur, et là, évidemment, il n'y a aucun problème à s'adapter avec n'importe qui, sauf qu'il sera raciste. Lorsqu'il perd son temps avec un humain, il coupe la communication et il s'en va. Il n'y a rien à faire. Alors, la majorité des êtres qui sont trop émotifs vont considérer ce personnage-là comme étant absolument sans cœur. Pourquoi? Ben, il nous aime pas. Il est pas notre esclave. J'ai déjà expliqué à un personnage qui me disait, Daniel, est-ce que tu as la possibilité de guérir? Je lui ai dit, ça te regarde pas, ça me regarde. Elle me dit, oui, mais si tu l'aurais, disons que tu l'aurais, tu pourrais guérir des gens. Non. Il me dit, pourquoi? Parce que je me ferais tuer par les gens. Ben voyons donc, si je pourrais guérir ou si je guérirais, il y aurait tellement de gens après de moi que je pourrais même plus vivre. Ben voyons donc, les gens, ils te laisseraient quand même des repos. Je dis, parfait, t'es mon ami. Disons que je fais 8 heures de guérison par jour. À 6 heures pile, j'arrête. Qu'est-ce que t'en penses? Ben c'est ça, faudrait que tu fasses. À 6h05, tu frappes à ma porte avec ton fils qui vient de s'empoisonner. Moi, je te dis, repasse demain. Qu'est-ce que tu fais? Tu défonces la porte, puis si je le guéris pas, tu me tues. Ben tous ceux qui vont suivre après 6 heures, ils vont penser la même chose. Quand on parle d'amour, c'est ça. Un amour intelligent ferait qu'à 6 heures, je ferme la porte. Oui, mais ceux qui vont mourir, c'est ceux qui n'avaient pas à vivre, parce que sinon, ils seraient pointés avant 6 heures. Mais ça, une humanité émotive ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Tous ceux qui vont mourir meurent donc. On ne guérit personne. Comme si on reste en vie. Quand le Nazaréen disait « c'est pour accomplir les Écritures », il ne parlait pas des prophéties, mais du futur accompli, écrit d'avance. Comme disent les musulmans, « ce qui est écrit est écrit ». Comment le Nazaréen connaissait-il son futur possible et aurait-il eu le pouvoir de choisir un autre futur possible? Le Nazaréen connaissait son futur possible parce qu'il l'avait lui-même instauré. Aurait-il pu choisir un autre? Ça ne l'intéressait pas du tout. Jésus, lui, voulait absolument comprendre un autre futur. Jésus ne voulait pas se ramasser sur une croix. Et il s'est réveillé aussi sur la croix. Quelles ont été les influences du passage d'extraterrestres dans la rédaction de la Bible? Serait-il possible que ce soit eux qui l'aient écrit? Extraterrestre veut dire n'appartenant pas, du point de vue de la naissance, à notre Terre. Bon. Extraterrestre, ça veut donc dire non généré par notre planète. La lumière du soleil est une lumière extraterrestre. C'est pas extraordinaire, parce qu'on est habitué de la voir. Ça arrive pas en vaisseau spatial avec des petites lumières, ça chante pas. Mais c'est extraterrestre. La vision des étoiles est extraterrestre. Ça ne vient pas de notre planète. L'intelligence supramentale est extraterrestre. Elle n'est pas réalisée par notre monde, elle est absorbée par notre monde. Dans l'Antiquité, tout ce qui provenait de l'extérieur était donc extraterrestre. Et une grande partie de ce qui a été, de ce qui a influencé l'écriture de l'Ancien Testament est de provenance extraterrestre. Jusqu'à Ézéchiel. Jusque même à l'époque du Nazaréen. Alors, les extraterrestres ne l'ont pas écrit, parce que les extraterrestres avaient, à l'époque, comme ils ont encore aujourd'hui, une conscience involutive. Ce sont des êtres en voie d'involution. Nous sommes, et à l'époque où on a eu des contacts avec eux, nous étions déjà en voie d'évolution. Nous sommes un peu en avance sur les extraterrestres, c'est-à-dire que nous avons involué. On appelle cela la chute, ce qui est faux. On a évolué. Pour venir prendre la matière, en prendre possession, nous sommes en train de nous réchauffer, donc d'évoluer, de façon à ce que la lumière puisse rayonner à travers la matière. Et les extraterrestres sont des particules qui nous constituent nous-mêmes, mais qui font partie de ce qui est en arrière de nous. Quand vous plongez dans la piscine, vos mains rentrent en premier. Vos pieds font quand même partie de vos mains. Mais vos pieds sont secs et chauds. Vos mains sont froides et humides. Alors, on va dire, vos mains sont involuées. Ils sont yin-yin. Vos pieds sont yam-yam. Oui. Et quand vous ressortez de l'eau, les mains sortent. Et les pieds sont en dessous. C'est ce qui arrive. La partie extraterrestre, du point de vue de la conscience humaine, est extra-humaine. Mais dans la globalité cosmique, c'est le même phénomène. Quand des extraterrestres, quand des parties plus réchauffées sont venues côtoyer l'homme, c'était des mêmes faisceaux énergétiques qui côtoyaient des expressions différentes de l'intelligence. Alors, ils ont permis de manipuler l'humain pour que l'humain écrive des choses. C'est bien évident que l'humain est extrêmement influencé, l'animal humain a été extrêmement influencé par les visions qu'il a eues. Pas juste extraterrestres. Il y a eu des visions réincarnationnelles, il y a eu des visions qui provenaient du monde de la mort, qui provenaient de d'autres mondes parallèles, et des visions qui étaient totalement, du point de vue matériel, extraterrestres. Mais ils n'ont pas écrit la Bible. Est-ce que les membres d'une même famille font partie d'un même faisceau? Plusieurs membres de la même famille naissent sous des toits différents. Est-ce que tous les égrégores vont diminuer en même temps? Sinon, pourquoi celui du catholique, que je considère plus pacifique et écologique, doit-il se dissoudre en premier? Pour la simple raison qu'il est trop pacifique et trop écologique, cela fait en sorte que l'être humain reste stagnant sous l'idée même que le mal n'existe plus. Lorsque l'égrégore qui préserve présentement la majorité de la paix sur le plan planétaire, d'autres égrégores puissants aussi la préservent, mais il y a quand même des égrégores plus petits, mais très, très, très énergétiques, qui sont plus violents. Lorsque ces égrégores-là vont pouvoir éclater à la surface de notre planète, eh bien l'homme sera maintenant confiné à se rendre compte que les dieux l'ont abandonné. Et quand on se découvre émotivement que les dieux nous ont abandonnés, on meurt ou on se prend en main. Les apocalypses, ça sert à ça. La prochaine, l'homme va se prendre en main. Ceux qui vont mourir vont se réincarner presque instantanément dans ceux qui vont vivre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui vont vivre, les hommes, femmes et enfants nouveaux, vont absorber tout le monde de la mort. Et c'est pourquoi aussi Jean de Patmos dit que, à cette époque, les gens voudront mourir, mais ne trouveront pas la mort. C'est évident. Dans la Bible, quand on parle de l'apocalypse, c'est pas comme la fin du monde, comme le monde nouveau. Bien, quand on parle de l'apocalypse, il y a toujours l'apothéose après. Ben, l'humain étant ce qu'il est, il ne voit que l'apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre son système de son. C'est l'apocalypse. Tu te rends compte? Un monde où il n'y a même plus d'armes pour s'entretuer. Un monde où on ne peut plus s'entretuer. Un monde où on ne peut même plus se voler. C'est pas ça que l'humain voit. Le monde, il voit un monde où ce que j'ai plus rien. Un monde où j'ai plus de Walkman, de Walkwoman. Un monde où j'ai plus de Coke. C'est l'apocalypse. L'ego, c'est comme les BPC. Ça doit être brûlé à haute température. Autrement, ça produit des matières toxiques dangereuses. Est-ce comme ça qu'on produit des MTS, des matières toxiques supramentales, parce que l'ego n'a pas brûlé à haute température? C'est parfaitement ça. C'est très, très, très bon parallèle. C'est bien. Quand Lazare... Quand on parle brûler à haute température, on parle donc d'initiation par le feu. Puis effectivement, quand on brise une forme convenablement, ça doit être assez pénible pour l'ego. Il s'en égoïse, donc il brûle. Oh ouais, fais nourrir aussi. Fais nourrir. Quand Lazare aurait résorbé son faisceau, il n'y aurait donc ni bien ni mal. Est-ce qu'alors toutes les polarités auront disparu? Quand Lazare va résorber son faisceau d'ici quelques années, il restera le bien et le mal. Par contre, il n'y aura plus celui qui contrôle le bien et le mal, Lazare. Si tout le monde doit être baptisé pour savoir qui il est, qui a baptisé le baptiste? L'œuf ou la poule? Non. Le baptiste avait des apôtres. Et ces deux premiers apôtres ont été ceux qui l'ont baptisé, c'est ceux qui l'ont reconnu. Ceux qui l'ont envoyé suivre le Nazaréen, qui sont devenus aussi les deux premiers apôtres du Nazaréen. Et qu'est-ce que le baptiste demande? Il demande au Nazaréen de reconfirmer ce que le Nazaréen refuse, alors que le baptiste baptise le Nazaréen. Pourquoi le Nazaréen refuse? Ce serait un peu long à expliquer, mais vois-tu, il y a eu une bonne dispute quand ils se sont rencontrés. Mais c'était pas le Nazaréen, peut-être, au moment où ils se sont rencontrés, c'était... Quand ils se sont rencontrés, c'était Jésus, suffisamment supramentalisé pour savoir qu'il était d'essence christique, donc c'était un fils de Dieu dans le ciel. Confirmé par la vision du baptiste, qui reconnaît le Nazaréen, il reconnaît ça normal, il avait été à l'école ensemble à Alexandrie. Bon. Il le reconnaît. Et il lui dit que c'est lui qui doit venir le baptiser. Mais le baptiste, il a toujours eu un immense ego et une grande gueule. Et finalement, après moult discussions par rapport à savoir si on ne pouvait pas faire le travail à deux, c'était le baptême du Nazaréen. Il était totalement reconnu. Le baptiste voulait partager. Donc, le Nazaréen s'est en allé. Le baptiste n'a donc pas été baptisé, mais c'était finalement un refus de baptême. C'est-à-dire qu'il a été baptisé comme étant le précurseur par ses apôtres. N'a pas été baptisé comme étant le continuateur par le Nazaréen. Mais il a continué. Or, le Nazaréen s'est arrangé pour qu'il soit éliminé. Pourquoi tant d'enfants sont agressés sexuellement? Ça revient souvent, cette question-là. Pourquoi ça dérange? Il y a un gros problème là-dedans, les agressions sexuelles. Il y a un gros, gros, gros problème. Ça, c'est une vraie, vraie, vraie farce. En tout cas, c'est comme ça. Si je fouille, il m'a trouvé de l'intelligence là-dessus. Mais ça dérange beaucoup de monde. Quand je dis pourquoi oui, ça mais dérange. Tu prends un enfant, prends ta douche avec ton petit gars. Tu l'agresses-tu sexuellement? Non. Mais ça dépend du petit gars. Mais en réalité, ça dépend de la grand-mère. Ou du voisin. Pas du petit gars ni de toi. Vous vous battez ensemble dans la douche. Qui agresse qui? Dans mon cas, ce serait mes enfants, je parle de ça. Oui, dans ton cas, oui. Le père qui couche avec sa jeune fille, pas qu'il fait un acte sexuel avec. Si on est intelligent, on sait que ça ne dérange rien de toute façon. Puis, à un moment donné, la fille, elle a 8, 9 ans, 10 ans. Puis, il décide de lui faire un massage. La petite fille est juste bien, elle. Puis, on va dire, oui, mais tiens, juste bien à son âge. Ah, oh, c'est vrai, il faut être bien quand on est adulte. C'est quoi, agresser sexuellement? Qui est agressé sexuellement, sinon les observateurs? J'ai pas dit les conservateurs, hein? Les observateurs. C'est évident que quand on saute sur un enfant, qu'on le frappe, qu'on le force à se déshabiller, qu'on joue contre son gré avec son corps, c'est pas une agression sexuelle sur un enfant. C'est un assaut sur un humain. Ça n'a rien à voir. C'est un viol. Que tu violes une femme, que tu violes un homme, ou que tu violes un enfant, ou que tu fasses cinq la batte, c'est pas nécessaire de violer. Mais la nuance, t'as joué après le nez ou t'as joué après d'autres choses, c'est quoi la nuance? Dans un des cas, c'est tabou, mais c'est la même maudite peau. La seule qui est là, là, peut-être qu'elle provenait d'ailleurs quand t'étais plus beau, plus jeune. Je sais pas. On a des concepts moraux qui ne font que... Qu'est-ce que c'est, l'agression sexuelle? Mais présentement, de plus en plus, il y en a. Pierre Lacroix, ben, il s'est déshabillé devant des jeunes, puis il en a regardé. Mettons en prison tous ceux qui achètent des Playboys. Regarde des femmes. Ah, oh, mais la femme était volontaire. La femme est manipulée, parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Puis là, on regarde, c'est pareil. Oh, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est encore pogné. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien simple. C'est très intelligent. C'est qu'au lieu de s'occuper des choses raisonnablement utiles, on s'occupe. Hein? On s'occupe. Alors, lentement, quand on en parle dans la presse, quand on parle de ceci ou de cela, l'homme qui est la femme, il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui agressent sexuellement les enfants. Pas encore commencé à trop en parler. Parce que la femme, elle a le droit de jouer avec le pénis d'un bébé. C'est comique. Quand c'est le bonhomme qui vient jouer, oh, chiboulot, un instant, mon ami, il décroche le gars. Hein? Bon. Alors, la femme, elle a le droit encore. Ça marche. La femme qui pogne les seins d'une petite fille pour s'amuser, c'est comique. Elle peut être un peu déplacée. Hein? C'est un professeur de même. Hé, hey, la petite, tu commences à avoir des... C'est le professeur qui fait ça. Lui, est en prison. Fait que la femme a fait la même chose, mais c'est pas encore connu. Bon, puis à un moment donné, on finit par se rendre compte, comme on faisait avant. Tu sors torse nu sur le balcon d'en avant, c'était indécent, derrière, c'était correct. Bon, ben, à un moment donné, là, on va finir par arrêter de se niaiser. Est-ce que c'est pas qu'aujourd'hui, on en parle plus souvent dans les journaux, mais qu'il n'y en a pas plus qu'avant? Aujourd'hui, on en parle plus souvent, mais il y a une autre chose avec. C'est que l'homme évolue. C'est normal, donc, qu'il agresse sexuellement des enfants. C'est pas, il évolue. Et comment c'est nécessaire pour évoluer d'agresser sexuellement des enfants? C'est pas nécessaire. C'est un résultat logique de l'évolution. Sauf que ceux qui n'ont pas évolué au même rythme à côté, c'est eux autres qui gueulent. Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Il fut un temps où quand un homme avait un enfant, il allait voir sa femme parce que sa femme, elle donnait, elle engueulait comme il faut s'il n'était pas là quand elle accouchait. Alors, il allait s'asseoir, il allait ramasser les cigares, il se promenait, puis attendait. Quand il voyait le bébé, l'excrément humain, là, le bonhomme, il était tout plissé, il y a de la bave dessus, tout ça. T'sais, qu'est-ce qu'il disait le bonhomme? Il disait « Yeah! » Il allait voir sa femme. La femme, elle disait « Wow, tu veux comment il est beau? » Ben, elle tenait. Ben, ouais, donc, là, c'est à peine s'étouffé. T'aurais dit à un bonhomme qui a un enfant nouveau-né, « Embrasse-le, c'est ton fils ou ta fille. » Tabarnouche, sortez-moi à boîte de Kleenex. Mais aujourd'hui, l'homme, qu'est-ce qu'il fait quand il voit un bébé nouveau-né? Il le trouve beau. La femme, elle a joué avec le corps des enfants. Depuis qu'elle est là. Mais est-ce que c'était frauduleux, son jeu? C'est une communion, une communication. L'enfant en a besoin, la femme en a besoin, ils communiquent ensemble, ils n'ont pas de tabou. Elle faisait pas l'amour avec son fils de 14 ans, ça peut arriver, puis même là, ils se regardent. Mais c'est pas ça l'idée, mais c'est évident. Quand elle avait le bébé, s'amusait. Maintenant, quel bonhomme commence à trouver ça beau, les bébés, lui, avec. Il commence à faire comme la femme. Mais il est pas lié. Parce qu'il sait que quand il fait, c'est pas correct. Ça n'a jamais été correct pour le mâle. Puis en même temps, ben, il est poussé à le faire. Celui qui n'arrive pas à bien contrôler ce phénomène-là, ou qui n'a pas d'enfant, ou qui ne peut pas avec ses enfants, à un moment donné, ça éclate ailleurs. Puis est-ce qu'il fait du mal aux jeunes? On a déjà entendu parler d'un méchant bandit. C'est un ministre là, qui joue avec des petites filles. Pas un méchant bandit, un bon méchant. Ben oui, il leur achetait des bebelles, puis les jeunes filles étaient heureuses chez lui quand il passait, puis tout ça. Le bonhomme, il faisait ce que les femmes ont toujours fait. Et puis, moins on a de tabou, plus on évolue, plus on a le goût. Pas de jouer sexuellement avec les enfants, d'être simplement bien qu'eux autres. Et bien avec eux autres, crime. Ton fils a 8 ans, puis il sort de la chambre de bain, puis il faut qu'il se mette trois serviettes. À un moment donné, tu sors de la chambre de bain, tu vas te laver, il faut que tu t'habilles encore avant de sortir, t'as rieux, puis t'es chez vous. D'un coup, tu sors, t'es envoyé dedans, c'est en voie de main. Là, c'est quoi? C'est de l'exhibitionnisme. S'ils veulent une serviette, mettez-la autour de la tête. C'est un concept. Concept dangereux. On perd notre temps à niaiser. C'est ça, je reviens encore sur l'agression, l'assaut physique. C'est dommage. Il y a encore des animaux humains sur la planète. Il y a des comme exhibitionniste, puis tu sais, puis de ça, puis je te mets de la crème solaire à ta fille sur le dos, puis ses fesses, puis envoie donc, puis... Puis... Mais par contre, si ça va à l'école, puis qu'elle apprend ce que c'est que son père y a fait, ils vont dire, mais regarde, tu as créé des problèmes psychologiques en faisant ça! Tu vas dire, vous avez rien qu'à pas y dire? Elle n'a pas eu de coup de soleil, maman. C'est ça qui arrive, hein, quand on est trop intelligent. N'empêche que c'est le problème. Alors, présentement, il y a des vidéos, parce que là, on veut qu'on enseigne aux enfants qu'est-ce que c'est que fait l'adulte quand il commence à faire ceci ou cela. Si mon oncle te donne plus que 2 suçons, check mon oncle. Mon oncle va peut-être te donner ce que tes parents ne sont pas capables de te donner. Mon oncle, il te dérangera possiblement jamais. Franchement, ton oncle, mets-tu l'énergie pour rien, là, j'arrête d'en mettre, là, je t'en ai. Vas-y. À présent, on dirait que j'aime m'anégoïser. Comme dit Daniel Lavoie, plus ça fait mal et plus c'est drôle. Est-ce une manipulation égoïque ou un processus mental? C'est comme un feu au plexus solaire qui brûle, c'est douloureux, mais c'est comme si je recherchais ce feu pour tout brûler, l'ego, une fois pour toutes. Il y a un néotype qui est maintenant instauré au niveau de l'ego, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une nouvelle forme qui est la forme qui a expérimenté la négoïsation et c'est une forme qui est nouvelle, d'où le fait de néotype, nouvelle forme, qui se nourrit maintenant de l'expérience de la mort des vieilles formes. Ça va, à long terme, engendrer un problème, mais ça ne vaut pas la peine présentement de bloquer le processus, parce qu'il y a beaucoup plus d'effets positifs qu'il y aura d'effets négatifs. J'ai une amie qui ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie depuis 40 ans et qui en parle depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle transite. Est-ce possible qu'elle ne trouve jamais? Et si oui, pourquoi? Elle va trouver un jour, mais ça revient un peu à la question de l'antérieure. Bien souvent, quand l'être humain a trouvé puis qu'il ne sait pas tout à fait ce qu'il cherchait, il continue à chercher. Et il y a une autre phrase que je dis souvent, c'est que pendant des millions d'années, on a joué qu'on était bon. Maintenant qu'on le devient, on pense encore qu'on joue. Et faux. Faire attention. Le MTS est-il toujours un as astral supramental ou si un MTS peut être supramental? Les MTS sont-ils toujours des as de pique, les pires individus québécois, ou s'il y a des MTS pas québécois? Il y aura des MTS qui ne seront pas québécois. Présentement, l'évolution supramentale se fait surtout au niveau du Québec et avec des exceptions des ectopistèles extérieurs, mais les MTS, c'est de toute façon un contact supramental dans l'astral. Il a trop d'ego avec son contact, donc il se prend au sérieux. Il souffre. Deux baleines ont réuni temporairement en Alaska, Russes et Américains, dans une cause commune. Est-ce un hasard ou la possibilité qu'on leur donnait de voir qu'ils pourraient collaborer? Mais il faut faire attention, parce que les Vietnamiens ont réuni aussi les Américains et les Russes dans une cause commune. Les Allemands aussi. C'est vrai. Oui. Ces peuples ont toujours été alliés. Cuba les a unis dans une cause commune. Il y a beaucoup de... Est-ce un hasard ou la possibilité qu'on leur donnait de voir qu'ils pourraient collaborer? Non. C'est, on leur a donné la possibilité d'engendrer l'illusion qu'ils peuvent collaborer. Ces deux baleines, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la preuve de l'évolution conscientisante de la planète Nord, de la partie Nord de notre planète. Certains ont trouvé ça con qu'on a des millions pour sauver 1 million pour sauver 2 baleines, 3 baleines. L'idée, c'est qu'on exprime l'intelligence. On est de plus en plus conséquentiel, puis l'humain est capable maintenant de mettre de l'énergie pour sauver de l'énergie. Or, ce fut absolument génial. Moi, ça m'a renversé. J'étais assis sur une chaise, puis je suis tombé à terre. C'est trop poussé? Bon. Ah, je suis pas tombé. T'as même. N'empêche que quand j'ai constaté que seulement des Esquimaux s'occupaient de baleines et qu'on allait les filmer, la planète n'est pas si pourrie qu'on pense. Eh, maudit qu'on pense. On se croit médiocre, on se croit des... Oui, mais qu'on avance. Quand l'animal commence à mettre de l'énergie, de son luxe, de son confort, pour sauver d'autres animaux avec lesquels il ne peut même pas communiquer, simplement parce que c'est de la vie, russe, puis américain, puis canadien, puis finlandais, puis ce que vous voudrez, ça n'a même plus aucune saveur. Il y aura encore des problèmes. Mais il y a des pas majeurs qui se font. Puis les Russes n'ont pas lu la Bible, hein, pour venir sauver les baleines. Non, la conscience, elle traverse dans les supports qui la reçoivent. Puis c'est bon. C'est étonnant, et elles sont nombreuses, ces sensations d'être proche, d'aboutir, de saisir ce qui serait réellement intelligent pour moi. Alors, je me dis, tiens, l'ego, tu te prends au sérieux, et je passe à autre chose. Pour moi, ce qui importe, c'est l'intelligentité de cette vie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous montez une montagne. La montagne, elle est faite avec des carottes, des illusions. Là, vous escaladez la montagne, vous voyez son sommet, là. Quand vous arrivez en haut, vous vous rendez compte que la montagne a fait comme ça, là, puis que ça monte là, là. Fait que ce sommet-là, vous ne pouviez pas le voir parce que vous étiez en bas ici. Fait que là, quand vous pensez d'arriver en haut, là, merde. Puis là, ben, c'est pas grave, un autre. Fait que quand tu arrives en haut, là, c'est l'Himalaya, là, tu pars au niveau de la mer, puis là, là, tu continues. Puis habituellement, l'humain est rendu une place, il arrive là, puis il se rend compte que tout le monde s'était foiré là. Là, on fait une théologie à partir de là. On reste tous là pendant un grand bout de temps, puis là, on se dit que la montagne, elle va s'user lentement, là, ça va descendre à notre niveau. Bon. Et puis, à un moment donné, ben, y en a encore quelques-uns qui décident d'aller voir en avant, puis ils reviennent genre, dire ce qui s'est passé. Ça, c'est des prophètes, c'est des gourous, c'est des maîtres. Et puis, il y en a d'autres qui partent, puis finalement, tu les perds de vue complètement. Puis là, il y a une gang qui peut-être qu'ils ont suivi, peut-être même pas. Alors, on arrive toujours, on pense toujours la voir, puis ça disparaît juste quand on vient pour le poignet, puis ça se ramasse plus loin, puis en avant. C'est normal, parce que si on serait capable de voir immédiatement la hauteur du sommet, avec notre conscience qui nous médiocrise, on se dirait ça n'a aucun sens. Toutes les bâtisses de la ville de Montréal sont bâties avec des briques ou avec des petits matériaux. Si on regarde une grande, grande bâtisse, une grande tour de briques, ben c'est une brique après une brique après une brique. Mais il y a eu des temps où c'était évident. Livre un chargement de 3 millions de briques à un bricoleur, puis regarde tout ça arriver, là, il se suicide. Livre ça par petits paquets au fur et à mesure qu'il émet, puis là, il voit sa bébelle monter, puis il voit une brique arriver, là, puis ça marche. Sinon, c'est dur. Ah, aujourd'hui, on est tellement habitué de bâtir gros qu'on s'en balance. Mais il y a le camion en arrière qui te monte des briques, puis on est 4-5, des techniques, parce que sinon, je suis juste prêt. Refaites le mur de Chine, vous allez voir. Comment se sont créées les autres races, comme la race jaune, noire, blanche, rouge, etc.? C'est question de tellurie. Toutes ces races-là sont apparues en même temps sous le contexte planétaire. Ce sont des évolutions différenciées des races primaires. Maintenant, quand on parle de la race blanche, on parle d'une race neuronique. Il y a de cela quelques milliards d'années, en Terre blanche, bouclier canadien, qui était d'ailleurs au sud de notre planète, est apparue une race qui, du point de vue d'un voyage astral dans les annales akashiques, on se rend compte que le corps physique est cellulaire, monocellulaire, une cellule, qu'il est filamenteux et transparent. On parle donc de la race transparente. Plus tard, quelques millions d'années après, on parle à coup de 500 à 700 millions d'années, on découvre que une Terre commence à se solidifier et que les aliments pris par ces cellules-là sont différents et lentement, le corps devient de plus en plus volumétrique et il se pacifie. On voit presque plus. On voit un peu. Et on parle donc de race jaune. Mais ce n'est pas les Chinois ni les Japonais. Par la suite, on va refouiller encore. On arrive dans une autre étape de notre évolution, quelques milliards d'années après le début. Et on se rend compte que là, la lumière ne traverse plus du tout les corps et que les corps commencent à être pluricellulaires. Les corps sont opaques. On parlera donc de la race noire. Beaucoup plus tard, en voyage akashique, on se découvre en Atlantide, donc il y a de cela quelques millions d'années. L'Atlantide a fini il y a quelques milliers d'années, mais elle a commencé un peu avant. Et on se rend compte que maintenant, les animaux commencent à avoir un système sanguin. Et le système sanguin va véhiculer les hormones, qui est le facteur expressif de l'âme. Ils ont une âme, ils ont des émotions, ils ont du sang. Étant donné que leur peau n'est pas, pas tout à fait constituée comme nous autres, eh bien, du point de vue ésotérique, on parlera donc de la race rouge. Par la suite, on se rend compte qu'un système cutané recouvre totalement le corps. On ne voit plus le système sanguin. Et là, on va donc parler de la race blanche. Parce que du point de vue astral, du point de vue ésotérique, quand les voyants blancs ont été voir, ils ont vu des blancs. Mais les noirs font partie de la race blanche, si l'on veut, mais pas du point de vue de leur cutanéité. Et même chose pour les races rouges ou jaunes. Ces races sont des mélanges de descendants génétiques, étant donné qu'ils s'alimentent différemment, qu'ils ont vécu des expériences astrales différentes, au niveau de la manipulation de leur âme dans leur corps physique, cela engendre des corps physiques exprimant mieux la psychologie de l'âme. Le japonais est devenu japonais pour exprimer la psychologie japonaise. Le chinois et les autres peuples de la même façon. Et évidemment, l'alimentation y est pour beaucoup. Amenophis III est-il mort fou et empoisonné? Amenophis III est mort fou. Pas empoisonné. Malade, mais pas empoisonné. Amenophis IV est mort fou et malade, pas empoisonné. Il y avait déjà trop de consanguinité dans leur système, alors la folie, c'était fou pas mal. Amenophis II, lui? T'es moins fou. Comme ton père, t'es un peu moins fou que toi. Pourquoi INRI sur la croix veut dire Jésus Nazareth, roi des Juifs? Ça peut vouloir dire aussi, s'il sera purifié par le feu, l'initié. Quand on transcrit l'hébreu, on se trompe énormément. Premièrement, c'était une pancarte que les Romains auraient placée de façon à pouvoir... Ridiculiser le Nazaréen. C'est un roi. On lui a planté aussi une couronne d'épines sur la tête. Mais finalement, c'est un amas d'épines. C'est pas une couronne. Il n'y a pas un Romain qui s'est massacré les mains pour faire une couronne. C'est un amas d'épines. Mais du point de vue alchimique, ça veut dire autre chose. Alors, il y a 4 interprétations plus ou moins sensées et très, très, très bien interprétées de ce qui a été écrit là-bas par les Romains. Alors, quand on dit Jésus, roi des Juifs, ça, c'est la partie la plus facile à interpréter. C'est ce qui était écrit tel quel là, si on ne veut pas voir ce qui est entre les lignes, et en interprétant directement, Jésus, roi des Juifs, mais c'était simplement laissé par les Romains. Jésus était l'enfant et le Christ, le roi, le Nazaréen, l'homme-Dieu. Pourquoi crucifier Jésus-Christ en le clouant et non en l'attachant comme les autres? Bon. Il se trouve que le Nazaréen devait sortir de son corps physique. C'est-à-dire que le Christ, qui est de l'énergie supramentale, de l'intelligence active, est totalement maître d'un faisceau de notre effusion planétaire, c'est-à-dire qu'il y a 14 faisceaux, un qui est résorbé, celui du Nazaréen, il en reste 13, un presque résorbé, celui de Lazare, il en reste 12, et le Nazaréen a ramassé 12 apôtres que nous connaissons bien, chacun relié à un faisceau spritique différent. Il se trouve que la tête, les mains et les pieds sont les régions par lesquelles se véhicule au maximum l'énergie vitale. On peut magnétiser, il y aura les yeux et la bouche, le souffle, mais c'est surtout par là que le corps éthérique, le double éthérique, peut sortir ou rentrer. Et c'est d'ailleurs pourquoi les stigmatisés qui ont des contacts ou qui se font vampiriser par le monde de la mort du point de vue de leur énergie vitale saigneront de la tête, des mains et des pieds. Et on va dire, oui, mais regarde, c'est les traces du Christ. Non, des crises de traces, c'est tout. Lorsque le Nazaréen est sur la croix, son double éthérique doit totalement être sectionné du corps physique. Le Nazaréen le Christ doit quitter le corps de Jésus, qui psychologiquement est resté un enfant. Alors, les Romains vont le crucifier, c'est une manipulation totale, parce qu'ils veulent prouver qu'il est pire que les pires. Longinus va venir avec la lance du destin et va enfoncer l'un des côtés du Nazaréen, de façon à l'achever, pour qu'on ne lui brise pas les membres. Si on brise les membres, on mortifie le corps physique, la souffrance du corps va devenir telle que cela peut nuire à la séparation du double éthérique. Quand je parle de double éthérique, je ne parle pas de dédoublement éthérique banal, style voyage astral très bas. Le Nazaréen avait conçu dans le monde moronciel, dans le plan transitoire, un double éthérique. Il s'était égoïsé et il avait laissé que la partie Jésus, ou Jésuique, dans le corps de son possesseur. Et il avait créé un double éthérique. Pour que le double se libère rapidement, on devait crucifier le Nazaréen. Au niveau des poignets, des chevilles, au niveau de la tête, si possible, le massacrer, et au niveau d'une côte, d'un côté, pour finir totalement le détachement du corps éthérique, très rapidement. Il faut comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'un être humain meurt, son corps astral avec le périsprit, le corps séraphique, le double éthérique de l'âme, se dégage rapidement. À l'époque du Nazaréen, cela pouvait prendre jusqu'à 7 jours. Alors, se ressusciter en 3 jours, quand ça prend 7 jours à se détacher. Ce processus a donc permis aux Nazaréens de se lier au Christ, de se libérer rapidement, et il n'est resté que l'enfant Jésus qui a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui se réveillait là-dessus. Bon. Est-ce que vous pensez que méditer avec une chandelle allumée, ça peut entraîner des entités négatives? Bon, c'est mieux que méditer qu'une chandelle éteinte, remarque bien. Bon, premièrement, penser, ça c'est non. Méditer avec une chandelle, dans certains genres de pièces, effectivement, ça attire les entités du bas astral. Dans d'autres genres de pièces, ça attire les entités du haut astral. J'ai déjà expliqué différentes choses sur cette mécanicité au niveau de l'onde de forme. Normalement, on devrait être capable de méditer dans n'importe quel cas. Et si vous amenez des entités qui sont négatives, eh bien, c'est peut-être le temps de pratiquer votre parole, de leur parler, de leur ordonner de sacrer leur camp. Mais c'est évident qu'un individu qui médite avec un système traditionnel ramènera vers lui des entités traditionnelles. Et moins celles-ci ont été énergisées, plus elles ont baissé en énergie, donc plus elles viennent du bas astral. Prendre une vieille technique moins employée nécessairement nous conduit à faire de la magie noire. Peut-on aller puiser de l'énergie dans une église au lieu de nourrir un égrégore religieux? Absolument. C'est d'ailleurs le rôle que l'homme nouveau, la femme nouvelle et l'enfant nouveau va faire. Puiser dans les religions l'énergie qu'il aura besoin, les trésors placés dans le ciel, le monde de la mort, par l'homme dans l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Et il y aura aussi, comme j'expliquais à un moment donné dans un séminaire, se confesser. S'agit-il d'une énergie en affinité avec quelqu'un qui n'a pas besoin de la Bible? Il n'y a aucun problème, c'est de l'énergie. L'énergie étant de l'énergie. Vous êtes ici présentement, vous ne croyez pas à l'Église catholique, eh bien, vous allez vous confesser. Le prêtre va prendre au nom de Dieu vos péchés, c'est-à-dire une partie de votre karma, et il va les répartir sur toutes les catholiques. N'étant pas catholique, maintenant vous avez la paix. Les dieux consomment de l'énergie nominale pour être. Ils sont d'affaires, ils en retournent toujours moins avec l'idée de profit. Y a-t-il des banques d'énergie où on peut retirer tout notre capital investi quand on veut et peut-être même avec les intérêts? On a parlé des lieux interdits, ce sont des banques. Et présentement, ce n'est pas trop le temps de parler de ce genre de banque parce qu'il y a déjà beaucoup d'humains qui têtent déjà, qui puisent déjà. Et on aura besoin de cette énergie placée dans le monde de la mort. Il y en a assez pour fabriquer un paradis de cette planète. Mais on en aura besoin parce qu'à un moment donné, de cette planète, on fabriquera d'autres choses qu'un paradis. Alors, si on en parle trop, il y a des gens qui vont s'essayer. Et certains peuvent réussir, hélas. S'ils ont de l'ego, ils vont s'égoïser, pensant qu'ils sont privilégiés. Ils vont aussi tarir un peu ses sources. Ça n'arrivera pas. Je n'en parle pas. J'ai vu une relation avec une personne depuis un an et demi dans laquelle je me sens mal perçu dans mon être et souvent diminué ou comme s'il cherche à m'éteindre ou me contrôler. Il vous aime. Que dois-je faire? Est-ce que c'est sain de rester pour évoluer ou apprendre à me connaître plus? Je ne suggère jamais rien à une personne qui me pose une question aussi directe. L'individu doit devenir son seul maître. Si elle reste, c'est qu'elle a à rester encore. Si elle part, c'est qu'elle a à partir. Mais ce n'est pas moi qui va lui dire. Lazare est-il réincarné dans le domaine du gouvernement ou conférencier de l'intelligence? Il est réincarné, en tout cas, ça c'est une chose qui est sûre. Jésus a-t-il été un criminel ou un délinquant? Jésus a été et un criminel et un délinquant. Un il n'a tué nouveau? Personne. Exactement. Ils l'ont crucifié. Ça devait être un criminel et un délinquant. Ce qu'on considérerait aujourd'hui comme un enfant nouveau? Ah bien, aujourd'hui, on considérerait comme un enfant nouveau, comme un génie, comme un sauveur, comme un merveilleux. Remarque, ce que je dis là est totalement faux. Aujourd'hui, on le mettrait en prison pour pratique illégale de la médecine. On trouverait bien les raisons. On ne comprendrait pas bien plus. Celle-là, je sais que tu n'y répondras pas. Je vais poser pareil. Daniel, pourrais-tu être la réincarnation de Jésus et Bernard de Montréal, celle de Jean le Baptiste? La question est, pourrais-tu? Alors, je peux répondre que oui, je pourrais. Avez-vous déjà lu le livre des esprits par Alex Cardell? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Son prénom est Alan. Je n'ai pas besoin de lire le livre. C'est intéressant. Et son nom de plume était Alex. Et ce que j'en pense, je n'ai pas besoin d'y penser. C'est un livre intéressant pour ceux qui le lisent. Quand le Christ doit-il revenir? Ça va se faire sur un peu plus de 1000 ans. Et on est quand même chanceux, c'est commencé depuis plusieurs années. Commencé depuis 15 ans. 15-16 ans, à peu près. Alors, c'est maintenant. Il reste encore 1000 ans? Un peu moins. Un peu moins. As-tu quelque chose de planifié cette fin de semaine-là? On va-tu camper? Il ne faut pas être pressé, les choses viennent comme elles viennent. Ça sert à quoi de tout avoir dans le visage, puis rien comprendre, pas être capable de rien faire, puis etc. C'est préférable de continuer à fonctionner comme on fonctionne. C'est parfaitement génial. Et l'intelligence, quand on parle du Christ, on parle de l'intelligence christique. Le Nazaréen ne reviendra pas. L'ego de l'enfant Jésus est réincarné. L'intelligence supramentale, l'intelligence christique de d'autres faisceaux, mais la même puissance que celle qui a vivifié le Nazaréen dans son temps, descend à travers l'homme, à travers la femme, à travers plusieurs individus. Et on doit cesser de le rechercher toujours à l'extérieur. C'est évident qu'on peut se faire guider par des phénomènes extérieurs. Moi, je ne suis pas un maître, je suis un événement, comme une tempête de pluie ou de neige. Ça peut être utile. Ce n'est pas important. Le Nazaréen ne reviendra pas en disant « Bon, ben c'est moi! » Là, on va lui dire « Hey, il y a un faux prophète écrit ici! » Non. Laissez faire ceux qui se prétendent. « Ah, mais comment on va le reconnaître? » Il va surgir par ta parole. Oh, tu vas le reconnaître. C'est pas en regardant quelqu'un. Que pensez-vous alors des 10 commandements de Dieu? Sont-ils véridiques? Ben oui, ils sont véridiques, les 10 commandements de Dieu. Donnez-moi un commandement de Dieu qu'on ne peut pas faire. Tu respecteras ton père et ta mère s'ils sont respectables. Tu ne tueras point si ta vie n'est pas en danger. Les 10 commandements, c'est absolument logique. Tu adoreras ton Dieu, un seul Dieu, ça c'est important, un seul Dieu. Mais regarde bien, ce commandement divin, s'il n'y aurait eu qu'un seul Dieu à l'époque, on l'aurait promis. Mais on disait au peuple, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Il faut que tu mettes toute ton énergie dans un seul égrégore si on veut arriver à former quelque chose. Et ces commandements, c'est absolument logique, c'est absolument correct. Je n'ai rien contre les commandements de Dieu. Et je l'ai déjà dit, il y a eu 20 commandements. Sauf que le bonhomme en descendant de la montagne, il a échappé une table et il l'a cassé. Il ne voulait pas aller s'en vanter, puis il était avec la seule qui restait, il a 10 commandements dessus. Bon, les 10 autres, ça, un jour, on les retrouvera bien. La maladie maniaco-dépressif, est-ce que ça se guérit? Oui. Oui. Une femme qui me dit, ça parle toujours dans ma tête comme une enregistreuse, est-ce des manipulations astrales? Ben, c'est rien que ça. Est-ce un savoir instantané qui voudrait s'exprimer? Non, qu'elle pèse sur stop. Pour ce qui est de la vie de Moïse, est-ce réellement arrivé ou est-ce un conte de fées? C'est un conte de fées qui est réellement arrivé. Peux-tu expliquer le temps préhistorique, le début de la Bible, Adam et Ève, c'est-à-dire Dieu a créé l'homme, qui a créé l'homme? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure au niveau de la Lémurie, etc. Et c'est un peu long là, à revenir là-dessus. J'en ai parlé... Il y a une conférence où ce qu'on en parle un peu plus, c'est le chat et le chien dans l'évolution de l'homme. On peut fouiller un peu là, mais ça serait un petit peu long à... Est-ce que les peuples européens sont les 12 tribus d'Israël disparues? Les peuples européens sont les peuples européens. C'est quoi les 12 tribus? Elles sont encore existantes et elles sont appelées de mutation. Et comme chaque fois qu'on me pose une question sur quelqu'un qui est déjà là, il y en a quelques-uns qui en font partie ici. Alors, la majorité sont effectivement européens. Ce n'est pas convenable d'en parler parce que les gens... coloreraient trop émotivement ce que je vais dire et ça ne serait pas compris complètement. Ça, c'est une réponse. Qui sont les Juifs d'aujourd'hui, vu que la race atlantéenne était originairement ceux que tu nommes comme étant Juifs? Le mot « Juif » est un dérivé de judéen. Juif n'existait pas autant de Jésus. Ça va de soi. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué, c'est que l'intelligence a cohabité avec ses peuples et génétiquement, ça l'a fini par donner ce que nous connaissons sous la forme des Juifs aujourd'hui. Ce sont des êtres qui existent encore aujourd'hui, et je ne veux pas trop parler de certaines choses. Ils ont passé par de mauvais moments. Ils sont appelés à une transmutation relativement radicale de certaines choses. Ce sont des gardiens d'archétypes qui nous sont encore utiles au niveau planétaire. Et ils auront un rôle à jouer qui est intéressant. Un peu plus faible que ce qu'ils ont joué dans le passé. En tant que juif, pas en tant qu'individu juif. Comment doit-on comprendre cette partie de l'Ancien Testament? Les fils de Dieu ont connu les filles des hommes, ce qui a donné comme résultat les géants de l'Antiquité. Là, on parle simplement des mélanges au niveau atlantéen. Ça a créé la race Ramahal, qui est une des races, une des sous-races de la race Rouge-Mère, qui a été connue aussi par Homère et par d'autres personnages. Et quand on parle des fils de Dieu, on parle nécessairement des phénomènes qui sont extraterrestres, mais pas toujours dans l'essence qu'on perçoit. C'est pas E.T. qui est venu jouer des fils sur la Terre. Est-ce que chaque race signifie quelque chose? Tu as expliqué les races tantôt. Si oui, quoi? Qui a écrit la Genèse? La Genèse a été écrite par plusieurs conteurs qui ont compté la tradition. J'ai toujours eu une voix intérieure que j'appelle... Balancez-la. Ouais. Que j'ai toujours suivie sans me poser aucune question. J'aimerais que vous élaboriez. Quand on me pose cette question-là ici, si on l'a toujours suivi sur ce poser de questions, je devrais donc, si je suis écologique, élaborer en disant « alors, je sais pas hein? ». Une voix intérieure qui vous dit quoi faire, c'est un maître. Et là, quand la voix intérieure décidera, faisons un parallèle, CIA, pour ne pas parler de la GRC, ceux qui, l'hiver, on l'élève GRC. Bon. C'est facile à reconnaître, on ne les reconnaît pas. CIA. La CIA forme quelqu'un, elle le paye, elle l'emploie, elle le nourrit, la personne ne le sait jamais. À 55 ans, c'est le temps qu'elle fasse pour qu'on le bâtisse. Et là, elle s'en va et elle tue un président. Alors, votre maître, il est bien, il est correct, convenable. Si on le suit à la lettre, on fera à la lettre ce qu'il va nous dire. Comme les individus qui, à un moment donné, tuent leur famille au nom de Dieu, avec leur Bible sous le bras, ayant passé plusieurs années à ne pas jamais penser ça, mais lentement, Dieu leur disait toujours ce qu'ils devaient faire et ça marchait jusqu'au jour où Dieu leur a dit ce qu'il fallait qu'ils fassent. Il y avait Satan dans les enfers, il fallait baigner ce pot. Alors, on ne doit jamais se fier à une voix intérieure. Demandez à cette voix qui elle est. Elle vous répondra une menterie. Et maintenant, redemandez énergétiquement, qui es-tu? Et puis, vous allez voir que lentement, vous allez découvrir des choses qui ressemblent à des phénomènes relativement atroces en arrière de ces petites voix. Ce n'est pas la voie de l'homme, dans tous les sens du mot. Est-ce qu'il y a des dangers à faire ça? À refuser une voie? Non, à essayer de lui parler, de l'identifier. Essayer de l'identifier, mais... Oui, à refuser une voix, il y a des dangers parce que ce phénomène-là se nourrit de vous, donc c'est un espèce de vampire, alors nécessairement, il ne veut pas. Plus ça va, plus ça vampire. Et il ne veut absolument pas que vous l'abandonniez. La majorité des maîtres, c'est des phénomènes mémoriels décédés qui continuent à jouer de l'archétype mémoriel. Le bonhomme ou la bonne femme, elle instruisait, ça crée de la mémoire. Cette mémoire-là, elle a besoin d'être nourrie, fait qu'elle se ramasse encore des disciples, elle continue à les instruire. Et là, le bonhomme ou la bonne femme en bas, elle dit « j'ai un maître ». Le maître n'est plus là, c'est la mémoire géométrique du maître qui continue à te donner des leçons. Mais là, si tu veux abandonner le maître, savoir que le maître est un maître, oui, c'est le cas de le dire, que tu es un esclave. Et si tu l'abandonnes, bien, il va se nourrir comment? Il va essayer de se trouver un autre fidèle, un autre disciple. Mais présentement, il y en a un. Alors, c'est évident qu'il y a des problématiques à le faire. Mais il y en a bien plus à ne pas le faire. La journée que ton maître t'abandonne parce qu'il vient de te faire une connerie qu'il sait très bien que, puis il te laisse un bout de temps, tu es en prison ou tu es bon, tu te réveilles avec toi-même. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est ça. Peut-être que c'était pas mon maître qui est venu me parler, peut-être que, mettons-en, jamais on doit se laisser guider par quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. À quel moment Lazare résorbera-t-il son faisceau? Dans quelques années. Quelles sont ces voies qui missionnent les individus? Exemple, Jimmy, John, Pierre Lacroix. Dieu. Ah, ils l'ont dit tous les deux, c'est vrai, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Il y a toujours des dangers. La langue est un code sur lequel tout le monde est d'accord. Pourquoi conserver tant de codes alors qu'un seul serait mieux? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Les Anglais sont absolument pas d'accord. Tout le monde est d'accord sur le phénomène. Une seule langue, la nôtre. Une chose importante, c'est que la conscience évolue à travers le langage. Chaque race au niveau des langues a une évolution différente de la nôtre et il a besoin de sa langue pour pouvoir penser comme il pense et parler comme il pense. Ce n'est pas encore le temps. L'être humain n'est pas encore suffisamment, n'a pas purifié suffisamment sa planète et son monde de la mort pour pouvoir être capable de communiquer avec une seule langue comme on l'avait avant l'apparition des langues. Et cette langue est un contact instantané qu'on appelle aussi télépathie, mais une télépathie supramentale et non pas émotive. Elle est bonne. Y a-t-il une façon intelligente de voter le 21 novembre? Ben oui, il y en a une. Comment choisir? Pourquoi choisir? Comment choisir? Ben, en choisissant, il y a bien des manières. T'es loufasse, un dé. Pourquoi choisir? Pour absolument rien. Pensez choisir ou pas, tu allais voter de toute façon pour la même personne. Bon. Alors, tu arrives les yeux fermés, là, puis tu fais un X. Tu dis, ah, ben, moi, t'as dit, j'ai voté pour Brian. Ben, si t'aurais réfléchi une heure de temps, t'aurais quand même voté pour lui. T'as rien que sauvé du temps. L'humain manipulé. Sauf que l'humain a un ego tellement puissant qu'il va se dire, ben, voyons donc, c'est moi qui choisis. Bon, ben, c'est ça. Pense-les, puis mets ton X à la bonne place, comme on voulait que tu le mettes, puis tu auras pensé que c'est toi qui as choisi, c'est toi. Ça change absolument rien. Celui qui vote pas, ben c'est ça, il n'ira pas voter non plus. Mais attendez-vous pas à voter pour de l'intelligence. Vous ne voterez pas avant plusieurs années. Qu'arrivera-t-il à l'Occident sénile lorsque la jeune Chine si nombreuse ira à l'université et surproduira et sera si forte? Ben l'Occident sénile, ça va faire comme ça a toujours fait. Quand on aura assez de matière, on la lancera sur la tête des autres. À quoi servent les frontières? Pourquoi tant de pays, de gouvernements? Les frontières sont des paramètres. Comme l'homme est un paramètre, ça préserve les égrégores nationales à l'intérieur de leur terre. C'est utile et à un moment donné, ça sera dissous. Le karma sous-entend que le temps existe. Le karma est une illusion comme le temps est une illusion. Assujetti au temps, assujetti au karma. Si tout est illusion, est-il possible que les émotions soient des illusions aussi? Les émotions sont des illusions en ce sens qu'on les considère comme étant une réalité. Pour parler si savamment de cette qu'est la Bible, j'espère que vous étiez là. Sinon, faites-moi confiance, ou faites-vous confiance, ou faites quoi que ce soit, j'étais là. Moi, je pose un dire sinon là-bas. C'est ça. J'étais pas tout seul là-bas. J'ai un mot de 10 paquets, ça c'est-à-dire. Peux-tu me donner des trucs pour attirer un agiteur de pensée? Oui, continue à poser des questions. Est-il pas... c'est sérieux. Jamais douté que tu étais sérieux. Non, mais la personne peut-être. Est-il possible que l'égrégore soit là pour ceux qui croient qu'il est nécessaire d'avoir un égrégore? La mécanique est la même, sauf que l'égrégore est là pour se nourrir. Alors, en réalité, du point de vue de l'intelligence, il sert aussi à nourrir celui qui a besoin de lui. Monsieur Kemp. Oui. Les 11 premiers chapitres de la Genèse sont de l'imagerie. Jonas, le déluge, mais oui. L'Égypte, etc. le sont aussi. Suis-je dans le bon chemin? Commentez, s'il vous plaît. C'est de l'imagerie qui cache de la réalité. Colorée sous la vérité, colorée sous l'imagerie. Être dans le bon chemin, on est toujours dans le bon chemin. Lorsqu'on a atteint...